We are the real ragamuffin. Me and the real ragamuffin. You are the real ragamuffin. Respect to the maximum. Pour pas sonner pas la monkey c'est so. Cherche pas y'a rien à vendre. Yeah, man, man. Man, man, mon qui c'est le beatmaker. Accorde-moi cette prod, j'ai tellement de choses à dire. Laisse-moi kicker Babylon. Je te promets de soigner mes lyrics plus efficaces qu'une ordonnance. Pour soulager les massifs, c'est ragamuffin dans la danse. C'est que le beatmaker. Accorde-moi cette prod, j'ai tellement de choses à dire. Laisse-moi kicker Babylon. Je te promets de soigner mes lyrics plus efficaces qu'une ordonnance. Pour soulager les massifs, c'est ragamuffin dans la danse. Quand la prod débute, c'est pour pas qu'il décide. C'est Julien qui s'étale le sage. Remplace humain, plus de mecs timides, plus de con qui s'est mis dans le studio. À la scène, plus sur mon terrain, montre nom et même si viens faire la différence réservée. Dans la vie, ma néma dans la danse, un fantôme dans ta vie. Sur cette map, la prestance, je présente à mon gueule. C'est du ragatonique, c'est mon côté sonique. C'est le pile et le face, une vraie pile électrique. Un cheveu dans la soupe, dans l'ensemble hypocrite. Je me détends, mais j'oublie dans une clope. Charpente les bits, me dépenser des bits. Autant pour je m'en tape, si mon fils ça va vite. C'est du ragat, du rap, du reggae, du culture. Je m'attire le niveau, mais repousser le mid-jam. Quand c'est man, man, man, man, man, man, man, man. Puis long, long, de grand time. Pour pas sonic, nick, nick, nick, nick, blague à morphine dans la dance hall. Boy, boy, venir tester, c'est pas la peine. J'ai pas de temps pour tes conneries, mais n'y a que le beat que je saigne. Ça suffit pour que tu comprennes que t'arrêtes de jouer les bandits. Ton énergie, faut que tu t'en sers, va combattre les vrais ennemis. Tous ces gros cons du système qui nous divisent et nous emmerdent. Il est temps de mettre les poings sur les nains. J'suis pas prêt de me taire. Non, sale boy, j'suis pas prêt de me taire. Non, non, non, j'suis pas prêt de me taire. Non, sale boy, j'suis pas prêt de me taire. Dance, dance, dance. S'il te plaît beatmaker, accorde-moi cette prod. J'ai tellement de choses à dire, laisse-moi kicker Babylon. Je te promets de soigner mes lyrics plus efficace qu'une ordonnance. Pour soulager les massifs, c'est ragamuffin dans la danse. S'il te plaît beatmaker, accorde-moi cette prod. J'ai tellement de choses à dire, laisse-moi kicker Babylon. Je te promets de soigner mes lyrics plus efficace qu'une ordonnance. Pour soulager les massifs, c'est ragamuffin dans la danse. Slim comme une OCB, tu connais pas OCB. Pour pas sonner, c'est moi, montre le son, tu vas connaître. Boot, boot, boing, boing. Style dans la danse, ragamuffin, DJ pour ma ville. J'écoute beaucoup plus que je ne parle. J'écoule des lucres dans quand le sang coule sur le macadam. J'ai foulé les planches de la scène à la recherche de mon graal. J'ai soulagé mes peines, craché mon venin façon crotale. J'ai arrêté de suivre les lions, le troupeau affecté de l'eau. Par demander des coups de bâton, j'en ai même vu tant d'autres jours. Tous ces outils du système qui confondent avoir et être. Qui crient à bas Babylone, virgule sur la base. S'il te plaît beatmaker, accorde-moi cette prod. J'ai tellement de choses à dire, laisse-moi kicker Babylone. J'te promets de soigner mes lyrics plus efficace qu'une ordonnance. Pour soulager les massifs, c'est ragamuffin dans la danse. S'il te plaît beatmaker, accorde-moi cette prod. J'ai tellement de choses à dire, laisse-moi kicker Babylon. J'te promets de soigner mes lyrics plus efficace qu'une ordonnance. Pour soulager les massifs, c'est ragamuffin dans la danse. Laisse-nous tchatcher pour le pili pili pili. Dans la dance hall, moi je sais ce qu'il est venu. Il réclame du bon ragamuffin depuis l'époque. Ragamuffin traverse les âges, les générations. Robert de bonne action, les DJ animent la soupe. C'est le temps, baisse le bras, mets lui la tête dans le sillon. Qu'on prenne la danse jusqu'au tamar. Y'a pas de pression, y'a pas de raison. Les seuls bons posés sont. C'est pas l'Irak, c'est pas la guerre dans nos soldats. Boy, c'est culture, ragamuffin culture. Robot dub is culture. Pour pas sonic, man a monkey pour les mic, c'est culture. Bang bang, ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding